Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4, Francis Gavel au micro pour l'émission de rentrée de Longtemps je me suis couché de bonheur pour démarrer cette 18e saison. Et oui, déjà, comme le temps passe, 18e saison, et bien ce soir, donc 2 heures qui seront consacrées au cinéma. La deuxième heure, comme comme le rituel le veut, bien en compagnie du comité de rédaction des Fiches du cinéma. Donc là, pour parler sans aucun doute d'autre chose que d'animation, mais qui sait. Et puis, une première heure où on va un peu aborder l'actualité de rentrée du monde de l'animation. Alors, je vais pas le faire tout seul, bien évidemment. Je vais le faire avec un parterre de critiques, dont un qui est très fatigué déjà et qui tousse beaucoup. Je vais l'accueillir en premier. Donc, Stéphane Dreyfus. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Voilà, alors Stéphane, on a la joie de te lire sur le site internet du journal La Croix. À mes côtés également, Alexis Huneau. Bonsoir Alexis. Bonsoir Francis. Alors Alexis, c'est le site The Web Anime. Et puis pour les auditeurs de Radio Libertaire, évidemment, c'est l'émission Bulle de Rêve. La prochaine, c'est quand ? La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, donc 17, 19. 12. On est le 5. On est le 5, oui. Donc ce sera le 12. D'accord, et donc 17 à 19h. Oui, pardon, excuse-moi, voilà, je pensais que c'était 19, c'était... Parfait, excuse-moi. C'était l'horaire. Et puis le troisième chroniqueur ce soir présent, Nicolas Thys. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas, site à écran noir, et puis surtout et principalement désormais, la revue internet québécoise, la fameuse revue 25 images et son blog animation. Voilà, alors on va parler d'un certain nombre de choses avec eux trois tout au long de cette première heure. Tout de suite, évidemment, je vais désannoncer ce qu'on vient d'écouter, et comme on parle de cinéma d'animation, et bien évidemment, le générique d'ouverture est lié à l'animation. C'est comme ça une petite pépite. Longtemps je me suis couché de bonheur, puisque c'est le générique de début d'Avril et le monde truqué. Long métrage donc qui a été présenté. Alors long métrage de Christian Desmarres et Franck Ekinci, je vais réussir à le dire, bravo, qui a été présenté lors du dernier festival du film d'animation d'Annecy en juin dernier et qui a remporté là-bas le cristal du long métrage. Alors pour simplifier, on dira que le cristal, c'est pour l'animation, c'est l'équivalent de la Palme d'Or à Cannes. Alors évidemment, le film n'est pas encore tout de suite en salle. Il sera en salle le 4 novembre prochain. Mais si j'ai tenu à attirer l'attention, c'est pour deux petites choses. D'abord, côté musique, parce que cette partition est signée par un jeune compositeur qui est Valentin Adjage. Et je trouve que c'est tout à l'honneur des producteurs du film, Marc Jousset et Franck Ekinci, justement, je suis bien content, d'avoir osé sortir de certaines signatures. Alors certes talentueuses, mais assez récurrentes. On peut penser à Bruno Coulet ou alors en Pérez Delmar, pour renouveler les talents musicaux à l'œuvre dans le cinéma d'animation. Alors je précise que Valentin Adjage est diplômé du Conservatoire supérieur national de musique et de la danse de Lyon, classe de musique à l'image, endroit qui constitue un des pôles d'excellence à Lyon, d'où émergent nombre de compositeurs à suivre. Parlons un petit peu du film. Alors, le film, important pour Radio Libertaire, il y a une figure emblématique de la radio quand même. C'est un scénario donc qui a été écrit sur la base de l'univers graphique de Jacques Tardy, mais qui n'en constitue pas moins, et c'est là qu'il faut insister, une création originale, conçu comme, d'après les mots mêmes de Tardy, un délire scientifico-mécanique à la Jules Verne. Pour ceux qui seraient pas familiers quand même avec l'univers de Tardy, je cite quelques-unes de ses œuvres en bande dessinée. Évidemment, la série Adèle Blanc-Sec, Le Cri du Peuple, qui est une adaptation du roman de Jean Vautrin, 120 rue de la Gare, adaptation là du polar de Léo Mallet, ou encore La Guerre des Tranchées. Alors deux mots quand même pour parler du film, vous mettre un petit peu peut-être l'eau à la bouche. Eh bien alors imaginez, chers auditeurs, que la guerre de 1870 contre la Prusse n'a pas eu lieu, Napoléon III étant décédé la veille du conflit. Ce qui nous intéresse aussi ici, c'est que bien évidemment la Commune de Paris n'a pas eu lieu non plus, et qu'en lieu et place du Sacré-Cœur, eh bien trône une immense statue de fer à la gloire de Napoléon III. Et vous arrivez ainsi dans un Paris des années 40, où la dynastie des Napoléons est toujours au pouvoir, quoi qu'il en soit, et où l'évolution scientifique est restée bloquée à l'âge de la vapeur et du charbon. C'est donc dans ce contexte uchronique que vont se dérouler les aventures rocambolesques d'une jeune fille, Avril, et d'un chat qui parle, Darwin, tous deux partis à la recherche des parents d'Avril, scientifiques mystérieusement disparus. Voilà, j'en dis pas plus sur le film. J'attire plutôt l'attention sur le fait, et ça c'est mon point de vue, que cette fin d'année nous propose au niveau de l'animation long-métrage française quelques films qui affichent de réelles ambitions, à mon sens, au niveau narratif et visuel, donc Août, Avril et le monde truqué dont je viens de parler Je songe aussi à Phantom Boy de Félix Chioli et Gagnol qui sera en salle le 14 octobre, à Adama de Simon Goubi qui lui sera en salle le 21 octobre. Et si j'insiste un petit peu sur la qualité que je considère louable de ces trois longs métrages, c'est parce que j'espère qu'on leur laissera un peu de temps pour être repérés par le public, ce qui est aujourd'hui une affaire délicate quand on n'a pas une force de frappe promotionnelle aussi déferlante que celle des blockbusters d'animation hollywoodiens. Et là, c'est pas du tout un critère de qualité des films, hein, j'insiste, mais je songe effectivement à Vice Versa ou aux Mignons pour ne citer que les plus conséquents résultats du box-office, et donc avoir une exposition correcte en termes de durée et de programmation en salle. Et donc, il va sans dire, et c'est pour ça que cette introduction sert à cela, voilà, phrase très réussie, il va sans dire que le soutien réel de la critique et des exploitants hors, et là j'insiste, des réseaux captifs du monde de l'animation, eh bien jouera un rôle déterminant. Sera-t-il effectif? Nous y serons attentifs. Et chers messieurs, puisque ce soir, même si on va un peu parler des femmes dans l'animation, il n'y a que des hommes autour des micros, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus une obligation, c'est pas de la discrimination positive. Une réaction, un commentaire, soit sur le film, soit sur les propos que j'ai tenus, ou pas du tout de réaction? Bah, Alexis. Peut-être que je commence, c'est juste pour dire, alors moi j'ai pas vu Avril, j'ai juste vu le film de Félix Chioli et Gagnol, Phantom Boy. Il y a une véritable problématique aujourd'hui aussi que les distributeurs doivent comprendre, je pense. C'est de pas forcément sortir des films d'animation comme ça pendant les vacances. Je sais plus quand sort Avril. Mais, Avril le 5 novembre. Mais c'est souvent pendant les vacances, et en fait ils se mangent les uns les autres. Par exemple, Adama et Phantom Boy. Un cinéma qui est important à Paris, qui est celui des Ursulines, a du mal à voir, peut pas même avoir les deux films en même temps. Donc, c'est vrai que si on se bloque nous-mêmes, alors qu'on n'a déjà pas beaucoup de place, comme tu le dis si bien, ça, c'est une vraie problématique. Donc, c'est génial qu'il y ait du talent et que voilà, ces films soient aussi réussis. Mais faut aussi que les distributeurs se disent, si on se rappelle bien, encore une fois, Valsaïk Bachir n'est pas sorti pendant les vacances, il est sorti juste après Cannes. Et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir une place autre que les vacances pour ce genre de film. Stéphane, je te vois deviner. Oui, alors Valsaïk Bachir s'adressait peut-être pas au même public, mais effectivement, je suis d'accord avec Alexis. Ce cas de figure s'était d'ailleurs déjà présenté il y a quelques années avec un concours de circonstances qui avait amené plusieurs bons films d'animation, peut-être pas aussi bons que ceux qui vont sortir d'ici la fin de l'année 2015. C'était à l'époque, je crois que c'était il y a 3 ans, le jour des Corneilles. C'est ça, oui. Il y avait Kirikou aussi. Il y avait 3 ou 4 films ou 5 films d'animation français qui sortaient, long métrage d'animation français qui sortaient dans la foulée, et c'était ça a été un bain de sang, quoi. Ce qui risque malheureusement d'être le cas là aussi, ce qui est vraiment dommage parce que effectivement c'est des films qui méritent d'être vus. Alors juste pour nuancer aussi ton propos, tu parlais effectivement de la force de frappe de films de blockbusters américains. On a vu avec Le Petit Prince que des grosses productions françaises, elles aussi avaient une force de frappe importante, ce qui se traduit pas d'ailleurs par des résultats mirobolants, ce qui peut aussi être engageant, enfin pour la suite, même si tous les distributeurs n'ont pas les mêmes moyens. Nicolas, toi, un commentaire par rapport à ce début ou pas trop encore. Particulièrement, mais par contre, juste pour une petite précision par rapport à ce que tu avais dit au niveau du synopsis d'Avril Montruquet, il y a juste un petit point, je pense, important que tu as juste oublié, c'est que si la France de 1940 est encore à l'âge de la vapeur, c'est parce qu'il y a des scientifiques qui se sont enlevés, pas parce que Napoléon III est mort avant la Révolution. Tout à fait, mais je ne raconte pas tout, j'ai quand même précisé que Avril partait à la recherche de ses parents scientifiques mystérieusement disparus. Mais tous les autres étaient aussi également mystérieusement disparus. Tout à fait. Mais si on révèle tout, on fait pas de buzz et donc on crée pas forcément dans LinkedIn. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non. Mais voilà. Alors vous aurez maintenant une vision complète du synopsis d'Avril et le monde truqué. Et peut-être y reviendra-t-on. Par contre, juste aussi par rapport à Adama qui sort pratiquement en même temps que Phantom Boy, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors j'ai pas vu le film, mais Par contre, ce que j'ai pu voir un petit peu du film, je me demandais, est-ce que c'est vraiment un film à destination du même public, à destination des enfants quand même. Oui, voilà, quand je parlais de Palace avec Bachir, justement. Je pensais à Adama aussi, qui aurait pu peut-être encore une fois, on va pas refaire le monde, mais se décaler un petit peu. Mais finalement, puisqu'il ne s'adresse pas vraiment au même public, est-ce que ça va l'empêcher d'avoir un succès? Bah, j'ai peur qu'effectivement, il risque quand même peut-être de se marcher l'un sur l'autre. Après, le choix aussi quand même du film, c'est dans l'un comme dans l'autre, dans Phantom Boy comme dans Adama, le personnage principal, et peut-être encore plus dans Adama que dans Phantom Boy, où le rôle principal peut être, on va dire, partagé avec l'inspecteur qui est présent dans le film, c'est quand même un jeune garçon. Donc, si c'est pas forcément pour jeune public, ça va être pour public familial. Il y a quand même ce choix de destination. Celui qui, de trois, est peut-être le moins familial, ou en tout cas le moins jeune public, c'est sans aucun doute Avril et le Monde Truqué, quoi. Je pense, quoi. Donc, effectivement, ils risquent peut-être de se marcher l'un sur l'autre, quoi. C'est un souci. Donc, c'est pour ça qu'on va être attentif un petit peu dans les mois à venir pour voir comment les films auront marché et surtout ce qui sera passé un petit peu pour leur présentation au public. Alors, on va continuer cette table ronde, hein, et puis on va faire notre masque et la plume. Nous, on sait parler d'animation. Non, je plaisante. C'est tout de suite très prétentieux, cette émission. Donc, on va faire une petite table ronde autour d'un film qui n'est ni français ni américain, mais qui est un film japonais. Et oui, mais il faut changer un petit peu. Donc, c'est Miss Okuzai, hein, de Kenji Hara, qui est en salle donc depuis le 2 septembre, donc mercredi dernier, qui lui aussi a été primé donc à Annecy et qui lui a reçu au niveau des longs métrages le prix du jury. Alors, pour présenter un petit peu le film, nous sommes dans le Japon du 19e siècle, vers 1914, à Edo, futur Tokyo, et le film nous propose le portrait de Ohei, qui est la fille du peintre Okuzai. Alors, c'est une femme à l'esprit libre, au caractère bien trempé. Elle est célibataire et a priori peu soucieuse de se conformer à l'image de la femme au foyer, épouse et mère de famille. Mais elle reste néanmoins sur le plan artistique, dans l'ombre de son père, qu'elle assiste dans son atelier, sans jamais co-signer nombre d'œuvres réalisées à quatre mains. Dans le film cohabitent donc diverses facettes d'une jeune femme, qui ne cache par ailleurs ni son attirance pour un ancien élève de son père, ni sa fascination pour les incendies qui ravagent la ville, ni sa tendresse, enfin, pour sa jeune demi-sœur, Onao, petite fille de 6 ans aveugle. Quelques mots pour Okuzai, sur Okuzai si c'est nécessaire, mais quelques mots vraiment très succincts. 1760-1849, mondialement célébré, hein, rappelons-nous l'exposition en fin d'année dernière au Grand Palais qui a attiré quelques 200 000 visiteurs, et puis considérablement détourné. Hein, le commerce s'est largement emparé de l'œuvre du peintre, et notamment de sa célèbre grande vague de Kanagawa, ô combien déclinée, du timbre-poste à l'affiche, en passant, et là j'ai choisi quelques exemples typiques, au pendentif, au foulard et enfin à la coque protectrice pour téléphone portable. Cela dit, Okuzai n'en reste pas moins le maître du tracé et de la composition, tout au long d'une œuvre prolifique et à la renommée certaine durant l'existence même de l'artiste. Ainsi, ces 36 vues du mont Fuji, dont la grande vague est tirée, eh bien, se montent en fait, paraît-il, au nombre de 46, l'éditeur ayant demandé à Okuzai de presser 10 estampes supplémentaires du fait de l'immense succès des 36 premières impressions. Donc si Okuzai est aujourd'hui un artiste commercialisé, on peut aussi dire qu'il l'était d'une manière presque similaire à son époque, cela n'enlevant rien au final au talent et à la réflexion créatrice de l'artiste. Dernière précision, Kenji Hara est un réalisateur déjà reconnu pour ses films précédents. Keishi, pardon. J'ai invité effectivement ce soir Alexis parce que c'est notre spécialiste Japon. Donc Keishi Hara est effectivement reconnu pour ses films précédents, Un été avec Ko ou Colorful, et Miss Okuzai est l'adaptation, il faut le préciser, d'une bande dessinée qui est parue au Japon entre 1983 et 1987. Voilà, moi je me tais un petit peu et je vous laisse évidemment maintenant chacun d'entre vous vous donner. Donnez votre sentiment par rapport au film, dont on peut dire que du monde au cahier du cinéma, en passant par Télérama ou par le site Istasia, l'accueil critique est plutôt dithyrambique. Qu'en est-il pour vous, Stéphane? Moi, j'étais plus nuancé, effectivement, que mes chers confrères. plus mitigé, disons. Je trouve que effectivement le film a des qualités plastiques et scénaristiques, des qualités scénaristiques peut-être à nuancer, mais des qualités plastiques évidentes. C'est un très beau film, l'animation est très fluide, très belle, multipliant les clins d'œil justement aux œuvres les plus célèbres de Kusai, notamment la Grande Vague, même si y a un petit anachronisme puisque j'ai cru comprendre que elle datait de la fin de la vie de Kusai, donc vers 1840, alors que l'action se déroule en 1814. Enfin bref, peu importe. Ce qui est à la fois une force et une faiblesse, je trouve, du film, c'est qu'il a voulu être fidèle non pas à la vie ou à l'œuvre de Kusai et de sa fille, mais au manga qui lui-même était, d'après ce que j'ai compris, malheureusement il n'est pas traduit en français, ni même en anglais, qui était effectivement un portrait, pour le coup impressionniste, par petites touches sensibles, de cette femme, une femme libre, il faut le dire, c'est ce qui fait en grande partie son intérêt, une femme libre qui vit certes dans l'ombre de son père, mais qui vit libre de ses choix. Et son père d'ailleurs la laisse, peut-être s'en fiche-t-il comme de sa dernière d'un premier kimono. Ouais, c'est ça, de son dernier kimono, mais en tout cas elle est libre, et je pense que le fait que son père la laisse libre de ses choix fait que elle est assez reconnaissante, de son père, malgré tous ses défauts, malgré le fait que c'est un père indigne qui abandonne ses autres enfants, elle lui reconnaît cette qualité. Donc le film est fidèle à ce manga qui a l'air d'être très beau et qui est culte, je crois, au Japon. Alexis me contredira peut-être. Non, l'auteur en tout cas qui est décédé maintenant du manga est quelqu'un d'assez important et dont le nom se passe. Enfin voilà, donc est vraiment quelqu'un qui connaissait très bien cette époque. Voilà. Donc il y a une reconstitution, il y a une adaptation qui est très fidèle à ce manga, qui est une reconstitution très fidèle, qui reconstitue de façon très réaliste, en tout cas pour moi ce que j'en sais, du Japon de cette époque et du monde flottant, puisque Okusai était un des maîtres de l'ukiyo-e, c'est-à-dire les images du monde flottant, donc ce monde à la fois entre matériel et immatériel, entre bas-fond et onirisme, donc les courtisanes, les dragons, mais aussi des figures spirituelles. Donc il y a une reconstitution qui est très belle de cette vie quotidienne, qui était déjà à l'œuvre dans d'autres films de Keiichi Hara, comme Colorful, pour un Japon plus contemporain. Le défaut du film, à mon avis, c'est justement d'avoir été fidèle au manga. Donc, parce que il n'arrive pas, je pense que le manga arrivait à déployer en plusieurs tomes un portrait qui lui était beaucoup plus riche de ce personnage, et qu'on a peine à reconstituer en voyant le film, qui évidemment est plus ramassé dans son histoire, mais du coup donne un portrait ou brosse un portrait qui est un peu inachevé pour moi, comme si Keiichi Hara avait lâché les pinceaux trop tôt. Nicolas, moi, par rapport au scénario, justement, j'ai trouvé plutôt intéressant le fait que, justement, ce soit pas un scénario qui soit complètement linéaire, mais que ce soit un scénario qui soit constitué, justement, de plusieurs petites scénettes, comme ça, de la vie complètement différente. J'ai l'impression de pas voir, justement, une histoire pleine et complète, mais plutôt justement des moments de vie, des bribes de vie. Et je trouve, justement, moi, cet aspect-là m'intéressait plus. Et comment dire, je trouvais vraiment cet aspect-là particulièrement intéressant, parce que justement, on n'est pas dans certains gros blocs de temps qu'on va essayer de suivre, d'approfondir, etc. Mais on a la personnalité du personnage principal, donc de Miss Okusai, qui se déploie petit à petit, par petites bribes de temps. Et justement, là, je trouve qu'on a un petit côté tableau aussi, qui est assez intéressant par rapport au fait que ce soit des peintres, des dessinateurs, etc., qui est justement pas mal, et quelque chose qui est peut-être, je ne sais pas si c'était dans le manga d'origine, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains mangas, justement, cette espèce de toute petite histoire qui se tient en quelques pages et qui, justement, là, est essayée de présenter en quelques minutes, quelques minutes, quelques minutes. Et justement, des histoires complètement différentes, certaines qui vont, justement, comme tu l'avais dit, dans quelque chose qui est beaucoup plus surnaturel, d'autres qui sont beaucoup plus réalistes et terre-à-terre, quelques-unes, justement, où on a des espèces de clin d'œil aux toiles du maître Hokusai qui commençait à apparaître. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, on a un véritable portrait, même si c'est pas en rentrant particulièrement dans une psychologie profonde, poussée, avec des relations entre les personnages qui vont essayer de se déployer comme dans d'autres films, mais justement qu'avec cette espèce de petite bribe de temps, on a une espèce de portrait quand même général et assez intéressant de Miss Hokusai. Donc au niveau du scénario, moi je le trouvais justement plutôt bien. Alexis ? Bonjour, il faudra que tu nous invites. Pour qu'on puisse vraiment s'engueuler sur un film, je suis assez d'accord, on va dire, avec ce qui a été dit. J'ai un problème avec ce film. J'ai un problème, c'est que c'est le fameux, vous savez, qu'on est spécialiste soi-disant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je vois ce film-là et je ne connais pas qui est le réalisateur. Je trouve ça plutôt courageux en effet. Heureusement qu'on parle d'une femme, d'une fille qui est derrière son père, qui en effet est un personnage très important, qui a fini d'étoile de son père. Donc il y a quelqu'un qui, voilà, qui a une vraie obligation à être connu aujourd'hui du public. Ça, je trouve ça plutôt bien. Je suis assez d'accord avec Nicolas. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un film qui n'est pas une bio un peu lourdingue et qui va nous faire un néné, ça, et puis etc. et qui va nous faire. C'est tellement agréable d'avoir. C'est pas grandeur et décadence, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On a de la chance. Il y a vraiment le travers récurrent des biographies filmées. Notamment ouais. Hollywoodienne, hein, qui aime bien en faire des tonnes. Alors, on peut rentrer dedans, mais on finit en disant, oh, c'est trop. Et puis on sait bien que tout ça, c'est fait de choses et d'autres. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après, ce qui m'embête, c'est que c'est un film de Keiichi Hara. Et moi, Keiichi Hara, c'est le réalisateur de notamment un long métrage que je trouve exceptionnel, qui en était avec Kou, et un autre que j'aime beaucoup, même si avec des défauts, Colorful. J'ai regardé, hein, Kou fait 138 minutes, Colorful 127 minutes, Hokusai fait 93 minutes. Et à mon avis, c'est là où le bas blesse aussi de ce film. C'est que même si il prend son temps, le cadre est toujours très, très tranquille, hein, chez Keiichi Hara, on va pas dans tous les sens, il prend pas suffisamment son temps. Moi, j'ai pas envie d'avoir que juste une adolescente qui va rougir parce que elle a un prétendant qui va lui faire quelque chose. Et c'est important, parce qu'à cette époque-là, en effet, qu'une femme puisse dire non à un prétendant, plus c'est important, mais j'aimerais qu'on prenne plus de temps avec elle, qu'on soit avec elle et qu'on, sans arrêt dans la psychologie, je suis d'accord avec Nicolas, mais ouais, d'être avec elle et de se dire qu'est-ce que c'est qu'être une femme à l'époque. Qu'est-ce que c'est que d'être dans l'ombre de son père? Qu'est-ce que c'est de regarder une toile? Qu'est-ce que c'est que de créer? C'est-à-dire que je trouve qu'il a plein de pistes. Et je suis assez d'accord avec Stéphane. J'ai l'impression que des fois, il se dit, OK, non, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de ça là. J'ai pas allé jusqu'au bout de ça là. J'ai pas allé jusqu'au bout de ça là. Et on s'arrête. Et le film est très décevant à cause de ça. C'est que là où on a tout, on a un réalisateur qui est quand même assez exceptionnel. On a une production IG qui est, enfin voilà, où on a quand même des talents derrière. On a en effet un scénario qui se tient plutôt pas mal. On a une histoire qui est extraordinaire. On a un film, en fin de compte, qui finalement, moi, me laisse complètement sur ma faim. Je comprends pas que tous les critiques soient absolument dithyrambiques comme ça. Bah, je pense que c'est lié au fait, c'est ce que tu disais, c'est que c'est une figure vraiment étonnante qu'on découvre. Je ne sais pas si au Japon elle est très connue. J'ai cru comprendre le dossier de presse était très intéressant parce que très complet, très très riche, et avait l'air de dire que les historiens savaient peu de choses sur elle. Il y a une dizaine d'œuvres qui sont réellement signées de sa main, qui sont d'ailleurs très très belles, où on voit qu'elle expérimente la perspective, le clair obscur, qu'apparemment elle a été influencée par la peinture européenne et hollandaise notamment, que les seules à faire du commerce à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que effectivement le sujet est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nicolas. C'est vrai que on échappe au travers de la biographie, du biopic. Effectivement un peu où on file comme ça une morale de la vie d'une personne qui est parfois effectivement très lourdingue, et là on y échappe, mais du coup on est c'est trop impressionniste, quoi. Le tableau d'ensemble est moi, Nicolas. Par contre, ouais. Alors moi, le seul petit problème que j'aurais avec le film parfois, c'est que même si la construction justement scénaristique me plaît, j'ai quand même l'impression parfois d'avoir trop vu un portrait du père à travers les yeux de la fille. Mm-hmm. Plus qu'un portrait de vraiment la de la fille elle-même et de la vie de la fille elle-même. Un portrait en creux, oui, clairement. Ouais, moi je suis d'accord. Mais là pour le coup, d'après ce que j'ai lu dans le dossier de presse, le manga d'origine lui-même, écrit par cet auteur dont je ne me souviens pas le nom. Alors je vais le donner, hein, et pour la prononciation, ce sera Alexis. Donc Inako Shugiura. Shugiura. Okay. Bravo. Sugoi. Non, cette auteure elle-même disait Okuzai était trop énorme pour moi, et donc du coup je préférais m'attaquer à quelque chose qui était plus moins gigantesque comme sujet, moins pour pouvoir parler de Okuzai. Oui, mais ce que tu disais était super intéressant tout à l'heure, et je trouvais ça, c'est justement, on aurait pu ne pas s'attaquer. C'est une adaptation. Et je veux bien qu'on ait un respect de l'adaptation, mais des fois, on le sait bien, il faut savoir complètement s'en détacher. Alors, encore une fois, on n'a malheureusement pas lu le manga. D'autant plus que le manga apparemment est énorme, et là, c'est ramassé sur 1h30. Donc forcément, il y a énormément de coupes qui ont dû être faites. Et ça, c'est un des grands problèmes. Par exemple, dans Kou, encore, je ne vais pas dire, mais on les voit manger à des moments donnés, on les voit vivre. Là, on les voit quasiment pas vivre. Il y a un moment donné qui est assez beau, elle va rentrer dans cette. Où il y a toutes les maisons de passe, et on lui donne un billet. Enfin, vous savez, alors, je sais plus comment c'est, mais on boit comme on donnait à l'époque. Et là, on se dit, ah! On va voir un peu comment ils vivent, pas comment ils vivaient, mais comment tous les jours ils pouvaient vivre. Et on n'a pas ça. Et ça, c'est l'un des grands problèmes du film, c'est-à-dire que cette idée de nous plonger là-dedans. Il y a une musique insupportable, qu'en fait des tonnes. Je parle pas de la musique rock. Je trouve ça très bien qu'on puisse mettre de la musique rock, même si je déteste Antoinette, la Sofia Coppola, et que je trouve qu'en fait, pourquoi pas mettre un peu de rock? Mais là, elle arrive à deux fois, on se demande vraiment à quoi elle sert. Des fois, elle est mélodramatique comme pas possible. Non, on se dit, oh putain, c'est pas possible. Donc ça, c'est un vrai problème aussi du film. On a des pistes, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que je trouve ça, on a des pistes intéressantes. Okusai, il y a plein de choses qui sont écrites sur Okusai. En effet, c'est un monument, mais quelque part, c'est pas le titre, c'est pas le film. On est là pour voir cette jeune femme qui essaie de s'en sortir et qui en effet a un père qui visiblement, sûrement par négligence d'après ce qu'on nous montre, la laisse s'en sortir et la laisse finalement être au nez, à la barbe de cette société finalement qui elle veut. Et à la fin, pardon. J'allais dire la fin, mais c'est vrai que je trouve qu'on résume. J'aime cette idée passionnante de dire je vais rester un an seulement sur sa vie. C'est-à-dire, je reste sur un bout de sa vie. Mais c'est vrai que d'un seul coup, la fin, où on nous brosse rapidement, justement, là, la fin de sa vie, on va dire, bon, bah, elle a fait ça, quand même, ça fonctionne pas. Puis, non, alors, je suis désolé, alors, je crois que l'une des choses qui m'a le plus agacé, c'est justement ses peintures. Et alors, autant je trouve ça beau quand elle dit, justement, à sa jeune sœur, notre père, il aime bien les vagues. Et je me suis dit, ça va s'arrêter là. Et le fait de représenter la vague, pour moi, est d'un mauvais goût. Qu'elle est sublime, évidemment, cette vague, mais je trouve que d'un seul coup, restons justement impressionnés, restons dans les choses. On peut pas reprendre du Okusai, c'est ça qui est fabuleux. Okusai est un génie, quand on l'a vu, quand on regarde ses toiles de presse, c'est juste énorme. On pouvait pas au Grand Palais parce qu'il y avait tellement de monde que de toute façon, il y avait 40 000 personnes devant. Mais quand vous avez la chance d'aller à Tokyo, de pouvoir regarder, il y a un musée qui va s'ouvrir. C'est sublime, Okusai. Et c'est vrai que d'un seul coup, je trouve que d'un seul coup, dans les parties oniriques, dans les parties justement où on part dans les rêves, où d'un seul coup certaines toiles, là d'un seul coup s'anime, là on a quelque chose d'intéressant. Là d'un seul coup Kaishihara commence à nous dire je vais aller vers autre chose, je vais aller vers un film qui va en plus être un challenge un petit peu, qui va tenter de jouer avec qui est Okusai, qui vous êtes spectateur, et on va jouer avec toutes ces différentes représentations. Là il y a quelque chose qui est fort. Alors, un dernier petit mot. Ouais. Non, mais peut-être. Alors justement, moi j'aurais aimé qu'il aille dans cette direction-là, enfin en tant que spectateur et pas uniquement critique, mais je lui ai posé la question à Annecy et je trouvais intéressant qu'il s'attaque à la fois à l'ukiyo-e et à Okusai, qui est l'auteur du manga, enfin qui est le créateur du mot manga. Donc l'ukiyo-e qui est encore une fois les images du monde flottant, toutes ces estampes de l'époque Edo, qui sont considérés par certains historiens, alors c'est discuté, mais comme l'ancêtre du manga et donc de l'anime. Donc il y avait un fil à tirer que je trouvais vraiment passionnant là-dessus, à interroger, qui encore une fois est un peu ébauché sans être vraiment traité. Et lui répondait d'ailleurs, moi je n'ai pas voulu faire comme Takahata et rendre hommage aux Emaki, les rouleaux peints du 12e siècle. J'ai voulu faire l'adaptation de ce manga. Dernier mot. Alors. Ouais, moi j'avais l'impression, Nicolas, quand même aussi juste que, enfin ça, je suis d'accord avec toi. Alors, à la fois ça m'embête et ça m'embête moins, mais j'ai l'impression que parfois il y a certaines choses quand on adapte la vie d'un auteur ou qui sont des passages obligés. C'est-à-dire que malheureusement la vague, j'ai l'impression que il faut déjà par rapport aux gens qui sont en dehors du Japon, il faut absolument leur montrer cette chose-là, parce que voilà. Et en plus, j'ai l'impression que comme il a fait ça, il faut absolument la montrer d'une manière ou d'une autre. Ce qui est dommage, et en même temps, bon, ben voilà, quoi, c'est quelque chose d'attendu. Bon, ben voilà, alors vous l'aurez compris, hein. Juste, parce qu'on a été beaucoup négatifs, je crois que c'est quand même un film pour moi qu'il faut voir, bien évidemment, et je dis pas ça parce que. Il faut découvrir les autres Kaishiar, hein. Pardon, voilà, c'est. Parce que là, on est beaucoup dans le négatif, on voulait ça, mais c'est quand même important. Voilà, il y a un avis autour de la table qui est un petit peu plus mitigé que la dithyrambe d'une bonne partie de la presse, mais évidemment, on vous conseille quand même toujours la même chose, de vous faire votre avis par vous-même en allant voir Misokuzai. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Who am I to disagree? traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something sweet dreams. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Francis Gavel au micro. Longtemps je me suis couché de bonheur. C'est l'émotion de cette reprise. Une première heure donc sur le cinéma d'animation en compagnie de Stéphane Dreyfus, Alexis Huneau, Nicolas Tiss. On a continué évidemment à parler de Misso Kusai pendant la pause musicale. Cette pause musicale, un nombre d'entre vous auront reconnu cette chanson incontournable d'un groupe culte de la pop new wave, hein, fondé par Annie Lennox et Dave Stewart. Le groupe c'est Eurythmics et la chanson c'est Sweet Dreams Are Made of This, une chanson qui date de janvier 1983, qui a fait l'objet de nombreuses reprises. Et donc, dans cette cover qu'on a écoutée ce soir, j'ai envie de dire que c'est une interprétation délicate, comme recroquevillée sur elle-même, tenue au chaud dans le filet d'une voix qui tourne le dos à la puissance vocale de l'original et qui semble dire que nos rêves, fragiles, ne tiennent qu'à un fil, devenu ici corde sensible, corde vocale. Alors, cette interprétation, vous pouvez la retrouver en fait sur SoundCloud, sur la plateforme audio. C'est une artiste discrète, c'est un peu comme Misso Kusai, cachée aussi, puisqu'elle s'appelle, et ce n'est pas son vrai nom, Liz Music. Alors, Music en anglais, vous tapez Liz Music une fois que vous êtes sur SoundCloud. Et puis, comme Avril et le monde truqué, c'est aussi une exclusivité de l'émission, puisqu'il y a aucun album, aucun EP, extended play, quand on parle la langue des musiciens, qui n'est prévu à ce jour. Voilà, mais je tenais à démarrer cette émission avec des petites pépites récupérées pendant l'été. Alors, on va un petit peu continuer, et peut-être que ça va nous ramener à un moment sur Misso Kusai, parce que chacun, vous m'avez fait des propositions de chronique. Alors, puisqu'on parlait d'une femme, j'ai envie qu'on glisse naturellement vers Stéphane, qui m'a dit, mais moi, je reviendrai bien sur la place des femmes dans le cinéma d'animation, suite notamment à un article que j'ai lu cet été sur le site sur l'édition anglaise du site BuzzFeed et qui s'appelait Inside the Persistent Boys Club of Animation, qu'on pourrait traduire par peut-être à l'intérieur du club masculin très fermé de l'animation, je ne sais pas. Oui, alors avant de parler de l'article de BuzzFeed, je voudrais faire un petit retour en arrière. Il y a quelques années, d'ailleurs c'est une anecdote qui est relatée dans l'article en question, une lettre en tête du studio Disney, qui était elle datée de 1938, a ressurgi sur Internet. Il s'agissait d'une réponse négative à une requête d'une certaine Mary Ford qui souhaitait participer au programme de formation du studio Disney. L'auteur de la missive stipulait que, je cite, « les femmes ne participent pas au travail de création dans le cadre de la préparation des dessins animés, ce travail étant entièrement réalisé par de jeunes hommes. La seule tâche ouverte aux femmes consiste à dessiner les contours des personnages sur des feuilles vierges à l'encre de Chine et à les remplir de peinture au verso en suivant les indications données. » Ironie involontaire. Le texte figure sous un dessin de Blanche-Neige exécutant une petite révérence, soulevant très légèrement sa robe, couvée du regard par les sept nains dont on se demande si certains d'entre eux ne sont pas un tantinet concupissant. Voilà, donc cette lettre est longuement évoquée dans l'article qui est fort instructif publié sur le site internet BuzzFeed, qu'on avait plus l'habitude de voir porter sur des questions essentielles telles que les 34 preuves pour lesquelles on est sûr que Beyoncé est tombée du ciel. J'ai trouvé sur le site, juste à côté de cette enquête qui montre aussi que les choses ont bien sûr évolué depuis 38, mais la place des femmes reste largement minoritaire dans la profession, notamment dans les métiers créatifs. Elle représente 20% des personnels artistiques à Hollywood, selon une étude de l'association américaine Women in Animation qui a été rendue publique en juin dernier à Annecy. Voilà, donc au fil des témoignages glanés auprès des pionnières des studios, se dessine un tableau très sombre d'une profession sexiste et misogyne. Il est fait état d'un des rares patrons de studios à employer des femmes, qui était Ralph Bakshi, réalisateur de Fritz the Cat, un peu polisson, hein, 1972. Mais ce patron de studio était aussi réputé pour faire des avances à ses collaboratrices, leur pinçant les seins ou les fesses. Selon plusieurs témoins cités par BuzzFeed. Voilà. Par ailleurs, les femmes sont restées longtemps cantonnées dans des métiers de traceuses et de coloristes ou sur des projets moins intéressants quand elles travaillaient dans la pub. L'un des témoins d'ailleurs raconte que lorsqu'elle demandait à son patron les raisons pour lesquelles il ne lui confiait pas des projets importants, ce charmant monsieur lui répondait élégamment: tu pourras en avoir quand tu auras un pénis. Voilà, donc la situation des femmes en France, il faut le dire, n'est pas meilleure. Alors, messieurs, savez-vous combien de longs métrages d'animation ont été réalisés par une femme depuis 5 ans en France ? D'animation ? Oui, long métrage d'animation. D'animation, on ne parle pas de prise de vue réelle. Bah, peut-être un si on considère Marjane Satrapi, non ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, Persepolis, c'était il y a plus longtemps. Ouais. À zéro, alors non ? Non, il y a eu la Coréale sur Aya. Ouais, exact. Marguerite, désolé Aboué, pour Marguerite. Ouais. Voilà. Co-réalisatrice. Mais co-réalisatrice, hein, et plus en tant qu'auteur, d'ailleurs, que je dirais en tant qu'animatrice, puisqu'elle n'est pas animatrice. Donc, co-réal. Là, rapidement, comme ça, moi, je vois que celui-là. Et Hélène Giraud. Bien sûr. Oui, en plus, on était là l'année dernière pour, oui, voilà, pour Minuscule. Hélène Giraud pour Minuscule en 2014. Et la proportion des réalisatrices de courts-métrages d'animation en 2012. Il y a un chiffre qui est sorti l'an dernier au CNC, ça vous dit quelque chose ? En professionnel ? En court-métrage d'animation. Professionnel, oui. Ouais. Enfin, ça doit être quoi, 20%, 30%? 37%. Ouais, 37%. Voilà. Donc, selon une étude du CNC publiée l'an dernier, la proportion des femmes est d'ailleurs moins importante parmi les effectifs des films d'animation que dans l'ensemble de la production. 30% contre 42%. Voilà. Et donc, dans une enquête que j'avais faite et écrite de mes blancs chemins, il était effectivement, on constatait un peu les mêmes, on arrivait un peu au même constat que ma consoeur de BuzzFeed, c'est-à-dire que les postes forts sont occupés par les hommes, ainsi que les métiers de haute technicité, que beaucoup de femmes finissaient directrices de production. Marge Dean, coprésidente de Women in Animation, se désolait que les femmes étaient perçues d'abord comme des gouvernantes, me disait-elle. Mais bon, tous les espoirs, pour finir sur une note positive, bien sûr, tous les espoirs restent permis parce que l'évolution est spectaculaire dans les écoles d'animation. L'ORECA, le réseau des écoles de cinéma d'animation, indique que le nombre d'étudiantes a fait un bond de 36 à 50% entre 2011 et 2015. Et outre-Atlantique, ce taux est passé de 50 à 70% à CalArts, qui est la prestigieuse université californienne où sont passés tous les grands animateurs américains. Alors justement, pour continuer un petit peu sur... évidemment, j'avais préparé des choses par rapport à ça. Là, il y a un festival qui va débuter la semaine prochaine, hein, qui est évidemment le Festival du film d'animation de Paris. C'est sa 8e édition. Et le mercredi 9 septembre, Alexis Huneau, ici présent, aura donc une carte blanche à cette soirée. C'est pour ça que je lui avais interdit de parler du festival. Alors, ce festival est organisé par Crocanime. Hein, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site du festival, parce que là, je ne veux pas présenter le festival, mais juste parler de quelque chose de particulier. Donc, vous tapez Crocanime, et très vite, vous aurez l'occurrence qui vous permet d'aller sur le site. Donc, Croc, C-R-O-Q, Anime, A-N-I-M-E, le tout attaché. Et donc, Anime. Excuse-moi. Merci bien. Oui, mais non, pas pour l'adresse internet. Ah, pardon, excuse-moi. Là, je cite l'adresse internet pour qu'on aille, rapidement. Alors, donc justement, la petite question, c'était de moindre importance, c'est que toi, pour cette soirée, donc d'ouverture, qui va être ta carte blanche, en fait, tu vas mettre en avant le travail d'un certain nombre de jeunes réalisatrices qu'on aime d'ailleurs aussi ici à cette émission. Est-ce que pour Je fais exprès de poser cette question de cette manière. Est-ce que c'était une volonté délibérée de ta part ? Est-ce qu'il y a une sorte de militantisme ? Je vais essayer de faire rapide, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui pourrait être très long. J'ai voulu, à un moment donné, avoir des gens comme Bastien Duprier, par exemple, hein, dont on a souvent parlé, qui a fait Science 172, qui était à Annecy. Et en fait, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que moi, qui suis prof dans pas mal d'écoles, et notamment là, il y en a pas mal qui viennent du DMA de l'ESAT à Roubaix. Aujourd'hui, j'ai pas encore commencé la rentrée. Je sais déjà que sur les 15 de l'année prochaine, il y en a 13 qui sont des filles et 2 des garçons. Pareil pour Sainte-Geneviève, Florentine Grolier me disait que, alors, c'est 4 et 11, quelque chose comme ça. Ce qui est une évidence pour moi, c'est qu'elles ont un talent qui est incroyable, mais vraiment, qu'elles ont une maturité souvent à cet âge-là qui est beaucoup plus intéressant que les garçons par rapport au projet qu'elles ont. C'est une évidence, on va voir Marie Vieilly, Justine Wulstecker qui ont des âges complètement différents, Marine Blanc, Nella Macchia. Enfin voilà, c'est incroyable les gens que je vais avoir et qui sont complètement différentes, et c'est extraordinaire d'avoir ça. Donc oui, j'aimerais surtout que, pour ça, c'est parfait pour par rapport au papier de Stéphane, puisqu'en effet, moi, je m'étais rendu compte à Zagreb, quand j'avais fait un comité de sélection, que 60% des films, on n'avait pas du tout fait attention, 60% des films étaient des films de femmes. Donc chez les étudiants, et que nos camarades qui faisaient les professionnels, eux, n'avaient plus que 25% ou 30% de films de femmes. Ce qui fait qu'entre le moment où elles sortent des études et le moment où on devient professionnel, il y a quelque part, là, il y a quelque chose. Une évaporation. On ne sait pas ce qu'elles deviennent. Mais souvent, on me dit, ah oui, enfin, t'exagères. Non, c'est une vraie question sérieuse. C'est qu'est-ce qu'elles deviennent à ce moment-là? Est-ce qu'elles quittent le monde de l'animation? Est-ce qu'elles sont en effet que des petites mains dans l'animation? Alors qu'elles ont un talent qui est incroyable. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose. Donc, à ce niveau-là, oui, bien évidemment, montrer tous ces talents-là, c'est, j'espère que des gens peuvent, des studios, des boîtes de prod, et se dire, voilà, parce qu'il y a aussi très peu de productrices femmes, notamment dans le court-métrage de l'animation. Donc ça aussi, il y a un vrai combat par rapport à ça. Alors, j'avais une dernière petite question, parce que là, on parle beaucoup, effectivement, de la place professionnelle. On n'a peut-être pas parlé de la représentation des femmes dans les films d'animation. Et justement, là, je vais revenir, et puis après, on passera à un autre sujet. Donc, plus pour avoir votre sentiment, je vais revenir sur Miss Okuza, et j'avais une question sous le coude. En fait, dans une interview donc, qu'il a accordée à Télérama cet été, Keishihara dit que le personnage de Oe et a été énormément relooké, parce que faire aujourd'hui un long métrage d'animation où l'héroïne est trop moche relève de l'impossible. Cela ne passe pas auprès du public familial. Je ne voulais pas non plus qu'elle ait l'air d'une princesse Disney. On a adouci ses traits mais gardé sa mine renfrognée et ses sourcils épais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pardon, je saute sur l'occasion, excusez-moi, mais je suis content que t'en parles parce que je l'avais noté, je voulais absolument en parler. Il y a eu un scandale qui a été fait quand Brave était sorti, puisque Brave, donc... Je sais plus comment c'était en français. Rebelle. Le fille rebelle. Elle était quand même un petit peu, elle a des petites joues. Et encore, elle la voulait différemment, la réalisatrice. Elle était rousse. Et elle était rousse. Et en fait, quand ils ont voulu faire du merchandising, ils se sont dit, non, on va la faire encore plus fine, on va changer ses cheveux, etc. Et, quelqu'un de chez Disney, ou pire, je sais plus qui avait dit ça pour Frozen en disant on peut pas faire une actrice, un personnage qui est pas beau, même quand elle est en colère, une femme doit être belle. C'était ça. Même quand elle est en colère, une femme doit rester belle. Et Joanna Quinn avait dit mais quelle bande de cons. Donc grande réalisatrice en disant une femme, elle est pas belle aussi quand elle est en colère des fois, ou même, enfin voilà, et il y a tout ça, et c'est un scandale. J'en ai pas parlé, mais je trouve ça terrible qu'on puisse en arriver à ce genre de choses. Ça me scandalise. Ça m'a pas plus scandalisé que ça. Lors de la conférence de presse, effectivement, ils ont expliqué qu'ils avaient un peu parce qu'elle était prognate, paraît-il. Voilà, elle était prognate. Voilà, son père l'appelait Menton. Ils ont un peu chargé la lèvre inférieure, qui est assez charnue. Je trouve pas que ça soit particulièrement choquant. Enfin, je trouve qu'il y a des choses plus choquantes dans la mesure où le personnage fait montre d'une grande liberté d'esprit dans une société qui est extrêmement corsetée. Bon, je trouve que ça passe. Nicolas, ce qui me scandalise le plus, en fait, c'est plutôt les spectateurs qui seraient capables de ne pas aller voir un film parce qu'une héroïne aurait un menton trop grand ou des traits pas assez fins. Là, franchement, c'est là où les créateurs doivent se battre pour justement que les personnages ressemblent aussi. Enfin, voilà, on se bat déjà par ça pour que les spectateurs ensuite peut-être commencent à l'accepter. Mmh. Alors, on va un petit peu changer, on va parler de spectateurs et on va bouger un petit peu le déroulé, puisque Nicolas, pour l'instant, t'as peut-être un petit peu moins entendu. On va parler de quelque chose d'important. Pourtant, on va passer du spectateur au téléspectateur, puisque toi, tu souhaitais nous parler de la 26e édition donc, du Cartoon Forum, qui aura lieu à Toulouse du 15 au 18 septembre. Alors, un mot, juste peut-être pour introduire, dire que c'est une plateforme de coproduction dédiée aux séries d'animation européennes, où des producteurs, des réalisateurs, des auteurs viennent présenter des projets inédits en recherche de financement et de diffuseurs. Et là, effectivement, c'est plutôt un salon professionnel que public. Oui, c'est ça. Alors, c'est un événement qui se déroule à Toulouse. Et alors, justement, pour commencer, l'avantage du Cartoon Forum, c'est que même si c'est d'abord un événement professionnel, il y a aussi une partie qui est plus large à viser du public. C'est-à-dire que pour les Toulousains, par exemple, il y aura aussi la possibilité d'assister à ce qu'ils appellent le Cartoon Festival, et donc du 15 au 19 septembre, au Parvis Saint-Cernin, de voir des longs métrages d'animation comme Le Roi et l'Oiseau, Brendan et le Secret de Kells, Couleur de Pommiel ou Les Trois Brigands, et à la Cinémathèque de Toulouse qui est partenaire, de pouvoir voir un ciné-concert avec des films d'animation, L'impitoyable lune de miel de Bill Plimpton, ou alors des films d'étudiants de l'ENSAD, toujours aussi du 16 au 19 septembre. Donc il y a aussi une petite partie qui reste ouverte au public. Par contre, évidemment, le gros de la manifestation, c'est une manifestation qui est d'abord ouverte aux professionnels, mais qui est très intéressant aussi pour la presse et pour le public, parce que elle permet de montrer entre guillemets en avant-première ce qui va pouvoir peut-être être diffusé à la télévision en animation dans les prochaines années. Quand je dis peut-être, c'est parce que ce sont d'abord des projets qui sont montrés, qui vont être pitchés, et au moins la moitié d'entre eux ne verra malheureusement jamais le jour. Et je dis malheureusement parce que souvent, c'est peut-être les plus intéressants. Donc parmi tous ceux qui seront là-bas, on a évidemment tous les plus gros studios européens d'animation qui vont proposer souvent leurs choses les plus horribles, mais évidemment quelques petites choses qui sortent un peu du lot. On a aussi de très bons studios d'animation qui arrivent et qui vont proposer quelque chose. Cette année, il y a même par exemple Sacrebleu qui vient proposer une série d'animation. On contredira peut-être, mais je suis pas sûr qu'ils en aient déjà produit beaucoup pour la télévision. Bah, ils avaient fait la série de Bastien Dubois pour Arte, ouais, la mini-série. Ça. Là, c'est celle de Caroline Natia, c'est ça ? Ouais, qui s'appelle Pirate. Donc, c'est ça. Ouais, Donc, par exemple, ça, donc à destination des 6-8 ans, on a quelques petites choses qui peuvent être plutôt pas mal aussi, notamment par rapport à une série de Folimage, La Quatrième Planète, qui a l'air vraiment plutôt intéressante aussi. Là, qui a l'air aussi comment plus orienté adultes et jeunes adultes, donc public plutôt adolescent adulte, ce qui est assez intéressant aussi, notamment que parce que Folimage vise pas forcément ce genre de public non plus, même dans leurs longs métrages ou dans leurs courts métrages qui sont plus quand même, qui ont plus un côté quand même assez enfantin. Là, la question c'est est-ce qu'une chaîne de télévision va être capable d'acheter un projet destiné aux jeunes adultes ou aux adultes qui montre justement la Terre en 2214 qui aura été dévastée par à cause des changements climatiques et qui rend la vie assez difficile. Il y a aussi par exemple un nouveau projet de Autour de Minuit qui, contrairement à l'année dernière qui avait présenté un magnifique projet autour de Jean-Michel Le Caribou, cette année revient avec un ornithorynque. Donc on reste toujours autour d'un animal, on dira peut-être pas exotique, mais bon voilà, on attend de voir. C'est le contraire de oui oui. Donc on espère voir un peu l'humour typique de ce genre de production par Autour de Minuit. Et ça sera aussi l'occasion justement de savoir peut-être, en allant voir directement les producteurs, de s'enseigner pour savoir si quelques-unes des séries intéressantes de l'année dernière qui avaient été pitchées en 2014 vont peut-être voir le jour ou pas du tout. On pense notamment à Last Man, tirée d'une bande dessinée de Bastien Vivès. En production. Qui est en production et qui était censé être acheté par France Télévisions. La question c'est, est-ce que France Télévisions va vraiment l'acheter et la diffuser ? Oui, sur France 4. Toujours ? Le tournage a commencé. Hein. D'accord, ok. Après, il y en a quelques autres comme Bitmuch. Je ne sais pas si ça vous disait quelque chose. C'était une série complètement décapante qui durait 2 ou 3 minutes, qui partait un peu dans tous les sens. Ça, c'est pareil. Je ne suis pas sûr qu'il dépasse le pilote. Il y a aussi la série de Juan Pablo Zamarella, L'homme le plus petit du monde. Alors, est-ce que celle-là, pareil, est en cours de production encore ? Est-ce que ça a stoppé ? Est-ce qu'elle a été achetée ? Ou alors une série télé qui était consacrée à Ernest et Célestine. Que Didier Brunner est censé. Didier Brunner est venu nous en parler la semaine dernière ici même et c'est a priori bien dans les tuyaux. D'accord. Donc voilà. Bon bah écoute, merci pour ce papier sur le Cartoon Forum. Un dernier mot, oui. Oui, un tout dernier mot. C'est aussi l'occasion de rappeler que c'est le moment où le Cartoon d'Or va être distribué, qui est censé être donné au meilleur court métrage de l'année. Mais bon. On va pas parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est que le Cartoon Dance, ce serait trop long. Par contre, il y a une réflexion moi qui me paraît intéressante et qui est sous-jacente à ce que tu as dit, même si effectivement certains projets vont quand même être achetés, c'est qu'on constate que parmi les quelques 80 projets présentés, eh bien il y en a 53% qui s'adressent aux enfants de 6 à 11 ans. Donc moi ma question c'est, est-ce que la création audiovisuelle d'animation est inexorablement cantonné au jeune public? Et là, je pose juste la question par rapport à la France, parce que c'est le seul territoire que je connaisse un tout petit peu, puisque depuis que Delphine Ernotte a été nommée à la présidence de France Télévisions, elle a réaffirmé donc que France 4 serait orientée vers les enfants en journée et vers la famille en soirée. Moi, j'ai envie de dire disparue, donc la tranche du soir dédiée aux jeunes adultes dont il avait été question, notamment lors de l'édition 2015 du Cartoon Forum, et pourquoi, au prétexte fallacieux, ça c'est moi qui le dis que c'est fallacieux, que cela ne fonctionne pas. Et ça, c'est des propos qui étaient reproduits dans le film français d'hier. Donc moi j'ai envie de poser cette question, et d'ailleurs je la pose. Est-ce que l'espoir suscité chez un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de producteurs d'une autre possibilité de création semble déjà contrariée? Tu l'as nommé. Donc évidemment, je pensais à une série comme Last Man, qui elle aura peut-être, parce qu'effectivement elle a eu un véritable impact et intérêt l'année dernière, aura peut-être quand même la possibilité, l'engagement étant déjà pris, d'être diffusée. Après, moi, ma question, c'est finalement l'animation adulte à la télé, est-ce qu'elle doit se satisfaire de n'être qu'une pastille rafraîchissante entre deux programmes, à la manière des séries courtes d'Arte, que celle-ci, je le précise, soit réussie ou pas, là n'est pas le problème. Non, Alexis, non. Je pense. Ouais. Nicolas. Alors, moi, je me dis aussi que l'avantage qu'a Last Man par rapport à beaucoup d'autres séries, c'est qu'elle est d'abord issue d'une bande dessinée dont l'un des auteurs est quand même extrêmement lu par la tranche en question, la tranche du public en question, qui a deux, c'est-à-dire Bastien Vivès, qui est quand même quelqu'un qui est assez important. Par contre, mais pas 6-11 ans, Bastien Vivès, c'est pas, non, il non, est pas lu par du 6-11 ans. Ans. C'est plutôt 14-18 ans. Oui, c'est... Donc, Mais par contre, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il peut y avoir une création originale adulte adolescent aujourd'hui qui vient de nulle part et qui n'est pas représenté par quelqu'un qui pourrait déjà être lu. La question que vous posez est fondamentale parce qu'en plus elle est à mon avis elle parle aussi de ce que va devenir le cinéma d'animation, en tout cas là on parle en France dans les prochaines années de toute façon. Après je sais pas si on a beaucoup de temps, c'est pour ça. Non, c'est vrai que c'est pour ça. Je vois que tu as remis tes lunettes de soleil, donc tu es déjà prêt à partir. C'est mes lunettes de vie, en fait, pour lire mon papier. Oui, toi tu voulais nous parler effectivement alors de la finalement de la place du court-métrage, de la visibilité du court-métrage, mais elle n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'il y a des émissions de télé, il y a des festivals à n'en plus finir. Je comprends pas. Merci Francis d'avoir déjà foutu en l'air mon papier. Mais non, pas du tout. Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, je voulais commencer à comparer en fait, en comparant des choses comme ça, afin de montrer que bien évidemment, cette croyance de plus c'est long, plus c'est bon est loin d'être souvent le cas. Et puis je me suis dit quand même, je suis dans une émission sérieuse, je voyais mal Francis prendre la place de Philippe Bouvard. Je ne m'avancerai pas trop pour savoir qui de Nicolas ou de Stéphane pourrait faire Guy Montagnier ou Sim. Alors oui, ma connaissance très succincte des grosses têtes s'arrête dans les années 80. C'est déjà beaucoup trop. Bon, mais alors sans accroche de départ, comment commencer? Aujourd'hui, l'avenir de l'animation, ou plutôt du développement de l'animation dans les médias ou au niveau du public, passe bien sûr par le format long. Si beaucoup de gens sont sortis plutôt contents de la dernière édition du Festival d'Annecy, c'est bien parce que y avait beaucoup de longs métrages français qui montraient la qualité de ce cinéma. On avait dans la compète un film extraordinaire, hors compète, un film très réjouissant. Et les gens, bien sûr, ont plus fait la queue et ont pris des heures pour faire la queue pour voir les Minions ou le making-of de Red Turtle, de Michael Udogdevitt. Aujourd'hui, nombreux sont les créatrices, créateurs, même sortant juste des écoles, qui ont un projet de long métrage. Ben, tant qu'à faire, quand on bosse plusieurs années, autant travailler sur un projet qui aura un peu de visibilité quand même. Le long aussi va être, bien évidemment, la réponse pour embaucher tous ces jeunes qui sortent des écoles. Alors, il n'y a pas que le long, la série, on vient d'en parler, aussi marche bien. Bon, en France, comme pour les prises de vue continues, on a du mal à mettre en avant les séries trop innovantes, trop différentes, voire simplement originales, et on va plutôt voir une énième adaptation de tel roman ou, aujourd'hui, de tel BD. Mais quand les créatrices et les créateurs, encore eux, auront compris que, eh oui, il faut des pionniers comme partout. Alors les pionniers, ça mange avant tout des pâtes, une partie de leur vie, mais bon, ces pionniers-là vont faire des films, vont pas passer par les chaînes de télé, par les choses qu'on a l'habitude, et vont aller sur Internet pour faire ces séries innovantes et ces séries qui feront date. Oui, Internet et non pas Netflix, bien sûr, qui pourront enfin permettre de voir apparaître ce genre de séries. Il n'empêche que, comme on l'a dit, la production de séries se porte plutôt bien, certes pour enfants, elle est plutôt bien distribuée pour le grand plaisir du SPFA. Et pourtant, il y a de quoi se réjouir, encore une fois, en regardant la production de cours cette année à Annecy, Zagreb, le FICAM, Anima, etc. Le temps me permet pas, encore moins là, de citer que certains, de Teeth à Goodbye Utopia, en passant par World of Tomorrow, le monde du cours est vraiment passionnant. Et si on s'arrête à la production française, on ne peut que se réjouir de voir cette diversité, rien qu'à Annecy. Rhizome, Yule et le Serpent, dans Les Eaux Profondes, le court-métrage d'animation, puis sa vitalité dans énormément de styles cinématographiques différents, d'envies de cinéma divers et très variés. Et je ne parle même pas ici de la richesse que l'on trouve dans les écoles. Bon, mais alors, t'as raison Francis, où je veux en venir? Tout va bien finalement. Eh oui, mais la problématique vient de plein de choses. D'abord, le nombre de plus en plus important de personnes voulant réaliser ces courts-métrages. Nombreux sont déjà présents et chaque année sortent des écoles, des jeunes réalisatrices qui avident sont avides d'affronter le monde du cours. Et le court-métrage, s'il en est passionnant, n'est pas moins très compliqué à mettre en place, que ce soit créativement ou financièrement, demandant souvent plusieurs années. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le financement de la culture n'est malheureusement pas une priorité dans notre monde et en France. Mais on a le CNC, la région, me dit-on. Et oui, ils font un gros effort, c'est vrai, il y a quelques années, ils ont fait un gros effort. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, vu le nombre de projets. Alors, on a beaucoup de chance d'avoir tous ces dispositifs, oui, mais il faut quand même encore se battre. Alors, où est la vraie problématique du cours? Et j'arrive bientôt à la fin, ne t'inquiète pas, Francis. C'est qu'il n'apporte finalement que très peu à ses auteurs et à ses producteurs. Il n'y a pas beaucoup d'argent, d'où l'importance des subventions. Sauf que quelque chose a changé. Quand moi, j'ai commencé, je suis un vieux dinosaure, à m'intéresser aux courts-métrages d'animation, le seul endroit où l'on pouvait en voir, c'était en festival. Et encore, tous les 2 ans, on voyait un cours une fois, deux fois, mais pas forcément plus. Depuis, les VHS, les laserdiscs, je vous ai dit que j'étais un dinosaure, les DVD et les Blu-ray permettent maintenant de voir, de revoir, d'acheter du court-métrage. Internet, YouTube et surtout Vimeo ont permis aux artistes et aux producteurs de mettre leurs films en ligne. Pas encore de l'argent, certes, c'est encore difficile, mais on va inventer une manière de gagner de l'argent là-dessus. Court-circuit Pastar, vous pouvez les revoir sur Arte plus 7. Alors, aujourd'hui, le court-métrage est donc largement visible sur les petits et même sur les grands écrans. Foncez au Forum des Images, à Croc-Anime, au Studio des Ursulines. Il y en a partout en France, des festivals, de nombreuses salles comme l'Hybride à Lille mettent en avant le court-métrage. Des sites éditorialisent la publication de ces cours. Ne vous arrêtez pas au Vimeo, Staff Peak, on s'en fout, ou au site qui mettent en place un ou deux films qui font le buzz. Aujourd'hui, l'avenir du court-métrage, c'est qu'il y en ait de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent, qui aiment, qui critiquent, qui s'engueulent, qui s'extasient devant ces cours. Cette forme courte est si souvent géniale. L'avenir du court-métrage, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à en regarder. Et ça, c'est l'avenir aussi du cinéma d'animation, du cinéma de prise de vue continue. Juste du plaisir cinéphile. Regardez du court-métrage sur les petits, sur des grands écrans. Regardez du court-métrage, car grâce à vous, il sera encore plus financé et on en aura encore plus. Eh bien voilà, c'était le billet d'humeur d'Alexis Huneau. On va finir cette première heure sur ce billet fantastique. Je vous remercie tous les trois, Alexis Huneau, Stéphane Dreyfus, Nicolas Tisse. Merci Francis. Merci d'avoir été avec nous pour cette première heure qui était consacrée au cinéma d'animation.